Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et pour cette deuxième partie de l'émission, notre chroniqueur 100% chimique, Jean-Daniel Doucet, nous fait entrer au cœur de la dystrophie musculaire, un groupe de maladies terribles qui emprisonnent littéralement les personnes atteintes dans leur corps. Alors à l'émission, on vous parle beaucoup de nouvelles découvertes médicales, de traitements prometteurs développés par des chercheurs parfois d'ici et parfois on peut avoir l'impression que ces chercheurs travaillent seuls, isolés dans leur tour d'ivoire. Pourtant, leurs travaux ont des impacts directs et indirects sur les familles des gens malades. Alors, dans une série de deux reportages, Jean-Daniel explore cette semaine les défis des familles vivant avec la dystrophie musculaire et l'espoir suscité par les nouvelles voies de traitement. C'est cliché, mais Samuel Florent Beauchemin a beaucoup grandi depuis que je le gardais plus jeune. Maintenant, c'est un homme qui fait à peu près 6 pieds, sportif, blond, aux yeux bleus. Le genre qui doit pogner avec les filles. La dernière fois qu'on s'est vu, son frère Guillaume est encore là. Mais pendant que Samuel prenait du muscle, Guillaume, lui, il les perdait. Atteint d'une dystrophie musculaire, il est décédé il y a plus d'un an. Une maladie terrible qui rend quelque sorte prisonnier de son corps. Mais même sans muscle, Guillaume s'est battu. Guillaume, il était un combattant exceptionnel. Il était en mission, qu'il disait. Okay. Au début, à 7 ans, on dit ton frère ou ton fils va mourir entre 20 et 30 ans. Et c'est sûr que, veux pas, c'est un deuil que tu commences au début de la vie de ton fils, ton frère. Ton... Mm-hmm. Fait que c'est d'accepter ça graduellement. Mais on dirait que tu te fais une carapace puis que... Il y a du positif à tous les jours, puis c'est de trouver le positif dans toutes les journées. Lui, son but, c'était pas de nous laisser paraître qu'il y avait mal, puis que c'était dur, puis que c'était pas facile, pour que nous, on ait plus de facilité à vivre notre quotidien. Okay. Il protège un peu. C'est ça qui est vraiment hallucinant. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est rendu là. Ça m'a poussé énormément. Aujourd'hui, Samuel tente d'aider d'autres jeunes atteints par des maladies similaires à celles de Guillaume, comme la dystrophie musculaire de Duchenne. C'est une maladie terrible qui touche environ un garçon sur 4000. Jérôme Frenette essaie lui aussi d'aider d'autres jeunes comme Guillaume, mais lui à travers ses recherches. M. Frenette est professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval, où il étudie, entre autres, la maladie de la dystrophie musculaire. Ce sont des maladies génétiques héréditaires qui sont causées par des pertes progressives de la force musculaire. On en retrouve environ 9 types de dystrophie, mais la plus sévère, c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. D'accord. Et dans le cas de la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est une mutation génétique, comme je disais au début, qui entraîne un déficit complet d'une protéine qu'on appelle la dystrophine. D'accord. Alors, la dystrophine, dans le cas de la maladie de Duchenne, elle est absente complètement. La fonction de cette protéine-là, c'est de résister aux efforts des muscles, aux contractions musculaires. Et sans cette protéine, le muscle se dégénère progressivement. Sans la dystrophine pour protéger les muscles, ceux-ci s'usent et perdent leur fonction. À 12 ans, Guillaume ne marche plus. À 20 ans, il ne peut plus se servir de ses bras. Et ça, malgré les traitements qui existent et qu'on lui donne. Il y a eu de la cortisone, il y a eu des pilules qui ont stimulé son cœur à faim. Il prenait du calcium, il prenait de la cortisone. Encore une fois, le professeur Jérôme Frenette. Qu'est-ce qui peut être fait une fois que le diagnostic a été posé en bas âge? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ces jeunes-là qui sont atteints de dystrophie musculaire de Duchenne? Oui, mais ça, il n'y a aucun traitement curatif encore. Il y a des percées intéressantes, mais actuellement, c'est encore, on essaie de contrôler les symptômes avec des traitements aux glucocorticoïdes, entre autres. Mm-hmm. Les enfants reçoivent ça. C'est une thérapie qui est commune où on essaie de réduire les dommages associés à l'inflammation chronique. Mais encore une fois, c'est pas des gains, c'est qu'on ralentit la progression de la maladie. Malgré les traitements actuels, l'espérance de vie des jeunes atteint une dystrophie musculaire de Duchenne est de 25 ans. C'est l'âge qu'avait Guillaume quand il est décédé il y a un peu plus d'un an. Une existence qui est courte, pleine d'embûches, mais qui est aussi remplie de belles histoires et même d'espoir. À un moment donné, j'étais allé dans son appartement, j'étais allé faire ma petite routine comme je faisais tout le temps. Puis, quand il était décédé, puis là, j'étais allé fouiller dans son ordi. Puis, j'ai trouvé plein de belles pensées. Puis, une qui m'avait marqué, c'était « Le plus difficile, c'est d'affronter la réalité, que la fin est inévitable, que rien ne reviendra comme avant, se mettre des ailleurs et croire que tout peut revenir avec un nouveau départ. Ça fait partie du rêve. » Il savait que ça finirait. Il était conscient de la situation. Puis lui, il acceptait, mais il voulait une dignité. Je pense que pour lui, la dignité, c'était vraiment important. Puis je pense qu'il est décédé juste au bon moment. Plus tard, il aurait perdu sa dignité, il aurait été vraiment malheureux. Là, il était comme juste à la limite de « OK, là, j'accepte. » Puis moi, je pense que il en voulait un bras, il savait que ça allait changer ça. Peut-être que si le bras arrivait 5 ans plus tôt, il aurait été encore plus content de l'avoir. Là, le bras, au moment où ce qui arrivait, c'était comme. Puis il disait à tout le monde, OK, je suis capable de bouger, j'ai besoin d'un bras. Fait, moi, je pense que ça l'a beaucoup motivé, mais ça l'a aussi beaucoup. Oh, un peu là. Tout le monde va savoir, je suis capable de bouger. Dans sa tête, c'est okay. Normal. OK, puis là, ben, c'était comme. La validation pour tout le monde, ça montrait à tout le monde que oui, il était malade, puis qu'il était plus qu'à bouger. OK. Donc, c'est le dernier deuil, d'une certaine façon, que lui pouvait peut-être pas accepter à ce moment-là, si on veut. C'est ça. Aujourd'hui, c'est Samuel qui tend la main aux autres, qui tend la main à des jeunes atteints de maladies comme la dystrophie musculaire, qui tente de leur donner un peu de dignité. C'est pour ça qu'il a créé la fondation Pont vers l'autonomie. Donc là, la mission de la fondation, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui sont touchées par une déficience motrice sévère qui mène à la perte d'autonomie, mm-hmm. qui ont besoin d'assistance dans le but de reprendre le contrôle de leur capacité. Okay. Donc c'est vraiment c'est une mission qui est générale, qui un jour dans 5 ans, ça peut être un système de domotique, ça peut être peu importe l'outil qui peut être intégré au bras, mais c'est des outils ou des soins qui vont permettre aux familles, aux enfants, aux individus d'avoir un monde infini de possibilités devant eux, qui ne se retrouvent pas vraiment confinés dans leur prison que leur corps leur inflige. Déjà, il y a des jeunes qui bénéficient de cette fondation-là. Est-ce que tu as des exemples concrets là, de jeunes qui ont reçu un bras robotisé, par exemple, ou de l'aide? C'est ça. Donc, dans la région de Kings and Falls, qui est près des Bois-Francs, on a mis un bras robotisé qui était l'ancien à Guillaume. Mm-hmm. Dans la région de Sherbrooke, une personne de la dystrophie musculaire de Duchenne, 24 ans, on leur a mis un bras robotisé aussi. Puis, il y a une dame à Trois-Rivières qui a un bras robotisé, okay. Sylvie Séguin. Puis, elle, c'est vraiment... elle était un peu en... C'est une amyotrophie spinale, elle a 40 ans. Puis, c'est en phase terminale, donc c'est un bras qui sort beaucoup. Il est installé près du lit. Il peut se mettre sur la chaise roulante, mais là, présentement, il est beaucoup près du lit. Donc, ça lui permet de segmenter les commotions la nuit, tasser la couverte. C'est vraiment de moins déranger son aidant. Naturel qui est épuisé. OK, donc c'est un soutien aussi à... Ça remplace pas l'aide humaine qui doit être là aussi, mais c'est un soutien pour ces gens-là. C'est vraiment une assistance. C'est une assistance permanente. Mm-hmm. Ça vaut combien d'appareils comme ça? 40 000. 40 000, OK. Et évidemment, tout n'est pas tout seul là-dedans. Bon, vous avez plusieurs partenaires de ce que vous pouvez voir sur le site web. Qui sont vos principaux appuis dans la fondation Pont vers l'autonomie? Les bénévoles. puis sinon, c'est beaucoup, c'est plusieurs partenaires avec des montants. Puis des participants aux événements, soit à notre souper, soit au tournoi de deck hockey. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans pour amasser le plus de fonds possible pour après aller soutenir les... C'est ça. On est à peu près peut-être entre 20 puis 50 bénévoles, 20 puis 40 bénévoles. Puis, des partenaires, depuis le début là, que la fondation existe, on a eu 70 partenaires. La fondation propose de redonner de la force aux patients à l'aide d'un robot. Ça augmente pas leur durée de vie, mais ça redonne un peu de dignité. De nos côtés, des chercheurs travaillent à de nouvelles voies de traitement pour redonner un peu de force aux muscles des patients. Soulignons-le, on est encore très loin d'un traitement, mais ces travaux représentent beaucoup pour les proches des jeunes atteints de dystrophie musculaire, même si, bon, ils sont conscients des limites de la recherche. C'était donc la première partie du reportage de Jean-Daniel Doucet sur la dystrophie musculaire. Dans la deuxième partie, il aborde une nouvelle voie de traitement qui s'ouvre grâce à une équipe de l'Université Laval. Jean-Daniel Doucet s'est entretenu avec Jérôme Frenette, professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval, donc au sujet d'un nouveau traitement pour la dystrophie musculaire. Mais avant, quels sont les impacts de ces découvertes fondamentales chez les proches des patients? Donc, on écoute à nouveau les réponses de Samuel Fleurant-Beauchemin, puis de Jérôme Frenette. Même si Guillaume Fleurant-Beauchemin n'est plus là pour combattre la dystrophie musculaire, son frère Samuel, lui, continue le combat sans perdre espoir. Ça se voyait tout de suite quand je lui ai parlé d'une nouvelle voie de traitement prometteuse pour la maladie. Une autre. C'est durant toute une vie, tu confrontes l'impuissance. Puis du moment qu'il y a un espoir, ou bien un débouché, ou peut-être une solution dans 5 ans, 10 ans, ou une piste, pour moi, c'est comme si on me disait que j'avais gagné à 6,49. Je veux dire, c'est comme trouver une solution, une maladie incurable qui fait tellement de mal, c'est génial. C'est... Pour moi, ça me motive, ça me dit que un jour, il y a des individus qui auraient eu le même chemin que mon père aurait dû avoir, puis que peut-être qu'il va pouvoir s'amuser comme je le faisais plus jeune. C'est ça. Ce nouvel espoir, c'est l'équipe du professeur Jérôme Frenette au Centre de recherche du CHU de Québec qui l'apporte. Comme c'est souvent le cas en recherche, la solution proposée vient d'un endroit inattendu. Pour guérir les muscles de souris atteints d'une forme de dystrophie musculaire, le professeur Frenette a creusé jusqu'aux os. Alors, je suis curieux un peu pourquoi se tourner vers la perte osseuse. Est-ce qu'il existe un lien entre perte musculaire et perte osseuse? Oui. Ben, en fait, on sait depuis plusieurs décennies là, que l'atrophie osseuse, qu'on appelle l'ostéoporose, puis l'atrophie musculaire surviennent en synchronie. Si vous rencontrez une personne ostéoporotique qui a des os fragiles, ben, dans 100% des cas, cette personne-là aura une petite masse musculaire. On n'a jamais vu des gros bras avec des os poreux ostéoporotiques. Donc, on voit qu'il y a une synchronie. Si on envoie des gens, des astronautes dans l'espace, ils vont subir une perte là, de masse musculaire importante et une perte de masse osseuse très importante. Et sur Terre, c'est la même chose. Lors d'immobilisation prolongée, on va voir une perte de masse musculaire qui est relativement rapide et également en synchronie une perte de masse osseuse. Si on transpose à l'inverse, si on surutilise, on fait des exercices importants, le meilleur exemple, c'est chez les lanceurs de baseball ou les joueurs de tennis professionnels qui utilisent seulement leur membre dominant. Bon, on voit une hypertrophie là, du membre dominant. Et dans le cas de l'ostéoprotégérine, qui était un de nos travaux, il faut comprendre qu'on a souvent l'image là, que le tissu osseux est comme un tissu inerte. Je ne sais pas si c'est à cause de l'image du squelette, mais là, c'est un tissu là, qui est très, très dynamique. Ah oui? Là, vous avez des cellules à l'intérieur qui vont fabriquer constamment une matrice osseuse, une matière osseuse, et vous avez aussi d'autres, de l'autre côté, des cellules qui dégradent de façon continue le tissu osseux. Mm-hmm. Et chez une personne en santé, cet équilibre-là est, entre la dégradation et la synthèse, elle est parfaite. Et vous avez ce qu'on appelle l'homéostasie osseuse, et vous avez ni perte ni gain de masse osseuse. Mais chez une personne ostéoporotique, cet équilibre-là est brisé. Vous avez plus de dégradation que de synthèse osseuse, et ça mène là, progressivement vers l'ostéoporose. Et l'ostéoprotégérine, notre fameuse molécule, mm-hmm. notre fameuse protéine, elle, c'est le plus puissant inhibiteur de la dégradation osseuse. Alors, okay. ce qu'elle fait, l'ostéoprotégérine, c'est qu'elle empêche la formation de cellules qui vont dégrader l'os. Alors, si on injecte de l'ostéoprotégérine, on va prévenir de façon, on va renverser le processus ostéoporotique. Notre équipe, on a, avec un laboratoire d'un expert aussi en Autriche, on avait émis l'hypothèse que puisque ça protège l'os, ça devrait aussi entraîner, prévenir l'atrophie. Et on croyait que cette protéine-là allait induire une hypertrophie ou une prévention de l'atrophie musculaire. Et on s'est trompé par rapport à l'ostéoprotégérine. Elle ne prévient pas l'atrophie. Elle n'a aucun effet hypertrophiant comme pourraient avoir les stéroïdes anabolisants, entre autres. Mais l'ostéoprotégérine, elle, augmente vraiment la fonction musculaire. Et prévient les dommages, entre autres, là, dans un modèle qu'on a utilisé de dystrophie musculaire. Mmh. Ce qui est fascinant, c'est de voir cette communication-là entre l'os et le muscle. Et on peut finalement prévenir de façon très, très significative là, les dommages, entre autres, dans les muscles rapides. Ça a des applications qui sont très importantes, là, qui pourraient aller des applications communes à plusieurs autres maladies. Il y aurait des voies là, un peu semblables. Vous avez justement testé l'injection d'une variante de l'ostéoprotégérine dans des souris qui développent la maladie, un équivalent de la maladie de la dystrophie musculaire de Duchenne. Et les résultats sont assez surprenants, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est... dans le cas des muscles rapides dystrophiques, c'est une récupération complète de la fonction. On parle de gains de 200 quelques pourcents, et nos muscles dystrophiques sont aussi forts que les muscles contrôle de la souris normale. Alors, on est très encouragé par ces résultats. Ils sont spectaculaires. Et dans les muscles plus lents, moins rapide, on voit encore des effets qui sont très significatifs. Quels sont les exemples de muscles plus lents qui... Les muscles lents, c'est des muscles qu'on dit posturaux, qui vont nous permettre de nous maintenir debout. Alors, ce sont des muscles qui travaillent toute la journée. Et ce sont des muscles lents. Tandis que les muscles rapides sont utilisés pour la puissance, se lever debout, monter les marches d'escalier, courir rapidement. Ce sont des muscles rapides qui vont permettre la contraction musculaire explosive, puissante. Okay. Alors, ces muscles-là sont souvent les plus vulnérables également aux formes de dystrophie et même de toutes sortes de pathologies là, neuromusculaires. Les muscles rapides, les fibres rapides sont atteintes en premier. Probablement parce qu'elles sont plus puissantes, elles sont plus fragiles. Surtout dans le cas de la dystrophie musculaire de Duchenne, où on sait qu'il y a une fragilité musculaire, ben, puisque ces muscles-là développent plus de puissance, ben, ils sont exposés à davantage de dommages et de processus de dégradation. D'accord. Et est-ce que cet effet-là de protection ou de restauration de la force des muscles, est-ce que c'est un effet que vous avez observé à long terme? C'est une bonne question. En fait, on n'a pas d'études encore à long terme. Faut savoir que c'est des coûts énormes d'injecter une protéine qui est recombinante. Alors, on va faire d'autres études. On va aller avec d'autres modèles de dystrophie musculaire où c'est, la maladie est encore plus sévère. Et on va étudier à plus long terme, là, sur un mois, pour voir si on peut avoir des effets aussi spectaculaires. Mais pour l'instant, on s'est limité à une période de 10 jours et on a vu des effets qui sont très encourageants. Est-ce que, dans le cas de votre modèle de dystrophie musculaire, est-ce que c'est un premier cas de rétablissement de la force musculaire ou s'il y avait d'autres cas aussi précédemment qui ont montré des résultats similaires? Ben, des résultats aussi spectaculaires de gain de force, je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont arrivés à restaurer là, complètement la fonction des muscles aprides comme on a fait. Et le modèle qu'on a utilisé, c'est un bon modèle, mais il est loin d'être parfait. Là, c'est la souris qu'on dit MDX. Et elle a un cycle de dégénérescence qui est environ à 4 semaines de naissance. Et on a injecté l'ostoprotégérine à cette période-là très, très précise de dégénérescence. Okay. Alors, ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Mais curieusement, la souris MDX, qui est déficiente en dystrophine, réussit à s'en sortir passablement bien. Elle va de cycle de dégénérescence en régénérescence et peut atteindre presque le même âge, la même espérance de vie qu'une souris normale. Alors, c'est pas le modèle parfait, okay. Mais à 4-5 semaines, pour une dégénérescence qui est très importante, c'est le modèle idéal. D'accord. Et je suis curieux, donc, pour la suite des choses, M. Frenette, où est-ce qu'on s'en va avec l'ostéoprotégérine? Je lisais que vous et votre collègue Joseph Penninger, vous aviez obtenu un brevet pour l'utilisation de l'ostéoprotégérine dans le traitement des maladies des muscles et du cœur. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour vous dans le développement de cette nouvelle voie de traitement-là? Ouais, on veut tester dans des modèles de animaux, encore une fois, de dystrophie musculaire, mais des modèles animaux où on voit une dégénérescence plus sévère, plus marquée. Mm-hmm. Et on veut, comme je vous disais précédemment, tester à plus long terme, voir si on peut maintenir à long terme les fonctions musculaires. Ouais. L'ostéoprotégérine a déjà été administrée dans des essais cliniques chez l'humain. Ah, OK. Et on pourrait arriver à utiliser cette molécule-là très rapidement. Il pourrait avoir des essais cliniques qui pourrait être fait là, dans les prochaines années. Si on peut arriver à comprendre vraiment l'action de l'ostéoprotégérine, on ne comprend pas tout encore sur ses effets là, sur le tissu musculaire. Alors, on fait un travail intensif pour comprendre vraiment l'action de l'ostéoprotégérine sur le muscle comme tel. Il reste encore beaucoup de travail à M. Frenette et à son équipe, et bien des obstacles. La plupart des nouvelles possibilités de traitement aboutissent à des cul-de-sac. Samuel et la plupart des proches des gens atteints de la dystrophie musculaire en sont conscients. Est-ce que ça peut aussi, d'un autre côté, créer des faux espoirs? Ou est-ce que des fois on s'emballe pour rien? J'imagine que c'est pas la première fois que vous entendez parler d'une nouvelle source de traitement. Est-ce que ça, c'est une crainte que toi ou les gens qui vivent avec la maladie peuvent avoir, à ton avis? C'est sûr que quand j'étais plus jeune, ça sortait des médias, il y a eu ci ou il y a eu ça, ça a été testé des souris. Là, je partais en courant dans l'école, puis on va être sauvé, puis c'est ça. C'est sûr que ça amène son lot de faux espoirs, mais en même temps, sans espoir, il n'y a rien. Démaquillé, je t'achèverai de mon mieux. C'était un reportage de Jean-Daniel Doucet. Alors, pour plus de renseignements sur la dystrophie musculaire, vous pouvez visiter le site web de la dystrophie musculaire Canada. C'est muscle.ca. Et si vous voulez soutenir la fondation Pont vers l'autonomie de Samuel Florent Beauchemin, vous pouvez aussi visiter leur site web à www.fondationpva.com.